Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gameozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de En route vers l'insertion. C'est Chris et pour ce nouveau numéro, je reçois par téléphone Patrice Fèvre, président de l'association Les Jardins de Galilée, et Jean-Marc Lecomte, responsable de culture, qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Donc tout d'abord, pouvez-vous vous présenter tous les deux ? Donc, vas-y. Ou je commence, pardon. Donc, Patrice Fèvre, je suis un élu, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Et par ailleurs, là, c'était pas neutre, je suis aussi président d'une structure, SATEA, à Rave, donc assez proche de Provenchères-sur-Fave, Provenchères-et-Galilée plutôt. D'accord. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous est venue l'idée de cette création d'une association dans l'insertion. Voilà, donc... D'accord. Ouais. Moi c'est Jean-Marc Lecomte, je suis responsable des cultures au Jardin de Galilée, et puis une partie accompagnement professionnel. D'accord. Donc justement, qu'est-ce que les Jardins de Galilée précisément ? Alors les Jardins de Galilée, c'est donc une association qui œuvre dans l'insertion. L'insertion, c'est un métier tout de même, bien que dévolu à des organisations de collectivités ou associatives, mais complètement encadré par les services de l'État, la directe, ex-inspection du travail, complètement encadré, c'est-à-dire que nous avons des contacts via Pôle emploi auprès de personnes qui sont éloignées du milieu du travail. D'accord. Pour X ou Y raisons, elles peuvent être d'ordre juridique, financier, ou assez souvent et plus grave dans le milieu des addictions. Donc tous ces gens éloignés du milieu du travail, l'objectif visé par l'État, notre organisme de contrôle, la directe, c'est de positionner ces personnes en situation de retrouver un emploi digne de ce nom dans le milieu professionnel. D'accord. Nous avons créé cette association en mars 2018. D'accord. Suite à une organisation qui avait échoué, nous avons repris sur 5 hectares 19 serres sur la commune de Provenchères et Colleroy. Nous avons dû faire une remise en état énorme et puis évidemment démarrer une organisation de mise en culture. Voilà. Donc, et après, on parlera du développement sans doute qui a été assez conséquent depuis. D'accord. Ces Jardins de Galilée, où peut-on les trouver ? Alors, on peut les trouver, ils sont installés sur la commune de Provenchères et Colleroy, donc on va dire à une douzaine de kilomètres de Saint-Dié. D'accord. Mais bon, on a un site, on a aussi une adresse, et je vous expliquerai l'organisation des commandes de produits auprès de nos clients. Bien sûr, oui. D'accord. Donc l'objectif de tous nos travailleurs, ce n'est pas purement, à proprement parler, de les emmener dans un métier de maraîchage, c'est les emmener dans un métier d'organisation, comme l'a dit l'encadrant tout à l'heure, c'est organiser leur vie professionnelle pour faire tout ce qui pourrait se présenter comme milieu qui correspondra à leurs envies. D'accord, d'accord. Que peut-on trouver dans ces Jardins de Galilée ? Alors ces jardins, je vais laisser le chef de... En fait, on ne cultive que les légumes de saison. D'accord. Bien sûr, et on vend que les légumes que l'on produit. C'est-à-dire qu'on ne rachète pas pour revendre. Et en saison, on trouve tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, concombres, tous les légumes d'été, pour la ratatouille. Et salade verte tout au long de l'année, sauf en période hivernale. Et là, on a dans les légumes racines, tout ce qui est poireaux, panais, pommes de terre, choux, radis noirs, tout ça. D'accord. Il me semble également savoir que les Jardins de Galilée comportent différents aménagements. Alors dans les aménagements, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 19 serres, nous y avons accolé deux bungalows qui servent donc pour la logistique de nos travailleurs. Ils mangent sur place. Un petit coin d'entretien, parce qu'il faut savoir que autour du travail de maraîchage, il y a tout l'accompagnement. Que souhaitent-ils faire, des rendez-vous avec des éventuels employeurs. Donc, il y a un petit peu de locaux administratifs. Et il y a aussi des locaux techniques, c'est-à-dire un lieu de lavage de légumes, s'il le faut, lieu de conditionnement, de réfrigération et de stockage de matériel. Nous avons acheté récemment 2 tracteurs. Donc, il y a tout le matériel de culture à abriter. D'accord. Donc, vous l'avez dit, les jardins de Galilée, ce sont donc des serres sous lesquelles sont cultivés différents fruits et légumes. Oui. Mais qui s'occupe de ces serres? C'est le personnel, en fin de compte, et nous, parce que nous sommes deux encadrants sur site. D'accord. Et une accompagnatrice sur Surpro pour leur projet professionnel, bien sûr. Et en fin de compte, le personnel entretient les serres, les plantes, font les entretiens des légumes, la récolte jusqu'à la vente. Puisqu'on a un local de vente sur site pour permettre aux particuliers de venir faire ses achats de légumes, bien sûr. Et nous sommes en bio en plus, donc ce qui favorise le secteur. Et on essaye de se développer petit à petit. Alors, on travaille avec des restaurants, des collèges, des lycées, des magasins bio. D'accord. On a des restaurateurs clients étoilés, et bien étoilés. Ouais. Mmh. D'accord. Et donc, taux salariés en insertion, en 2018, c'était 10 équivalents temps plein, soit à peu près 13 personnes, ouais, puisqu'ils sont sur 26 heures. Et au 1er janvier 2020, c'est l'événement nouveau, nous allons doubler l'accueil. Hein. Donc nous allons nous trouver avec 26 personnes en insertion. Donc travail quand même très lourd à gérer. Hein, mais bien sûr, oui. L'enjeu est fort. Et on a déjà des bons résultats en 2019 sur des gens qui sont placés dans des entreprises. Hein, l'accompagnatrice socio-professionnelle, c'est aussi son métier. Hein, on envoie nos gens peut-être 8 jours, 15 jours en immersion dans une entreprise. On voit si ça va. Hein. D'accord. On leur a fait passer, par exemple, une formation avec certificat obtenu de tronçonneuse. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir aller dans le milieu du bois. C'était leur souhait. Voilà. Donc, on a un petit peu de soucis aujourd'hui parce qu'on sait que, par exemple, des milieux professionnels comme chauffeur d'autocar, il y a un manque énorme. Là, c'est un problème un peu plus lourd de moyens de financement de ce permis de transport en commun. Mais on a des gens qui seraient aptes à le faire. Hein. Après, c'est un problème de moyens. D'accord. Donc, cette association, elle comporte, comme vous l'avez dit, des personnes en insertion. Et est-ce qu'il y a également des bénévoles? Pas du tout. D'accord. C'est que des bénévoles, si, c'est les élus, mon cas, plus une équipe ou 4 autres personnes qui sont aussi dans l'environnement et ça te a de rave. Pourquoi? Parce que démarrer une association à zéro, de cette taille, sans apport en fonds propres, très difficile. Donc il a fallu une synergie assez importante d'une structure préexistante. Structure préexistante, elle s'appelle ESATEA du Val de Galilée, qui elle, c'est différent, elle est dans le milieu de l'handicap. En tout, ils sont une trentaine de personnes. Je suis président aussi de cette structure-là. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y avait une idée initiale, c'est que c'était ESATEA, Val de Galilée, côté vosgien, en collaboration avec une structure beaucoup plus importante de 300 salariés à Sainte-Marie-aux-Mines, tout près. Et là, on s'est aperçu pour finir, on avait une demande donc pour aller fournir nos repas, les repas de ces deux structures-là. Donc l'idée, c'était, comme il y a déjà une ferme dans cette structure-là, pour la partie viande, l'idée, c'était la production de légumes. Voilà comment est venue l'idée au départ. Donc, on fournit des légumes à la structure professionnelle qui fabrique à peu près, je ne sais plus combien, ils font 300 repas par jour, à peu près. Donc, c'est aussi notre client. Ce n'est pas l'essentiel. Hein. D'accord. Yeah. Donc, vous l'avez également dit tout à l'heure, après avoir cueilli ces différents fruits et légumes, ils sont vendus sur différents marchés. Mais est-ce que ce sont des marchés que vous organisez ou est-ce que vous pouvez aller vendre vos récoltes sur d'autres marchés? Non, non. Toutes les marchandises sont prises sur place. On ne sort pas. D'accord, donc c'est des marchés que vous organisez. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons des travailleurs. Nos deux encadrants, dont on est avec eux, donc on ne peut pas se soustraire à une présence sur le site, déjà. Ensuite, c'est des problèmes de coût. S'il faut se déplacer pour livrer 30 salades, c'est pas la peine. D'accord, oui. Donc les restaurateurs téléphonent, et aussi des clients qui font les marchés, viennent aussi nous acheter. D'accord. Et puis, toute la batterie des particuliers. Ce sont des gens, ça fonctionne bien, ils téléphonent, en général le matin, ils demandent aux deux responsables de culture qu'est-ce qu'il y a de disponible aujourd'hui, des betteraves, des carottes, de la mâche, ou pas, ou il n'y en a pas, et ils passent leur commande par téléphone, on viendra chercher dans la journée, ou dans le matin, et ils payent sur place, et voilà, ça fonctionne assez raisonnablement. D'accord. Donc ces marchés, justement, est-ce que ce sont les responsables de culture qui s'en occupent, enfin uniquement les responsables de culture, ou est-ce que chaque personne en insertion vend ses propres récoltes? Non, c'est pas saucissonné. Mais on va avoir des gens, par exemple, on a rentré des travailleurs en insertion, une dame qui avait quand même été dans la vente. Donc si elle avait été dans la vente précédemment, elle va être à l'aise à se débrouiller toute seule quand il faudra mettre dans un carton, encaisser ce que le client va demander. D'accord. De même que dans d'autres bricolages, à nous à les orienter dans les endroits où ils sont le plus à l'aise. D'accord. Justement, quels sont les différents profils qui travaillent dans les jardins de Galilée? On a tous les profils. Hein. Ça peut démarrer de la rente service de nettoyage à leur projet professionnel, jusque des personnes qui vont aller dans l'informatique. Donc là, pour une personne, on a une sortie positive là, pour l'informatique, puisque son projet professionnel, c'était l'informatique. Et là, on a décroché une qualification professionnelle pour lui. Donc c'est une sortie positive. Hein. Il a 6 mois de formation qui va l'aider à aller pour son métier. En fait. D'accord. Pour être réaliste, hein, on se trouve avec des gens, tout respect qu'on a pour eux, bien sûr, hein, ils sont passés par Pôle emploi, donc on a un premier filtre un petit peu, si on veut dire, de Pôle emploi, mais derrière, il peut leur être arrivé tout ce qu'on peut imaginer à ces personnes-là. Hein. J'ai parlé d'addiction tout à l'heure, on a des gens complètement éloignés du milieu du travail. Ils viennent là pour arriver proprement, habillés proprement, savoir faire une pause, s'arrêter quand il faut, hein, ranger des outils, avoir une cohabitation avec des collègues, hein, d'accord, du rendre compte avec, on ne peut pas dire hiérarchique, mais avec leurs accompagnants encadrants. Donc il y a toute cette notion de retour à une vie de travail. Ça paraît basique, évident pour peut-être beaucoup, mais dans ces populations-là, voilà où nous en sommes. Et je vous jure que c'est sensationnel. Je pense que il y a déjà quand même plusieurs personnes qui ont retrouvé du travail. Ouais, 2019, on a 3 sorties positives. D'accord. Et 2020, on a déjà eu pour janvier 2020, une sortie positive, une personne de 59 ans, qui est très difficile à placer, vu l'âge. Mais en fin de compte, on bénéficie de la PMSMP, c'est une immersion d'entreprise, qui ne coûte rien à l'employeur. C'est toute la structure qui prend en charge ses heures. Et en fin de compte, ils peuvent les essayer, s'ils correspondent, en fin de compte, ils décrochent des CDD. Donc ce qui est valorisant pour nous et pour eux. Hein. Donc voilà, cette personne-là, elle retrouve un emploi à 1 km de chez elle. Donc jamais elle-même n'aurait été voir pour se faire embaucher dans cette entreprise. J'ai retrouvé l'autre jour dans une grande surface, dans le milieu du jardin, un monsieur que j'avais rencontré sur notre site, qui est venu me trouver en me disant qu'il était heureux. Il venait de faire 8 jours en insertion dans ce magasin. Il me dire qu'il avait encore sans doute 2 semaines de prolongation. Il revivait. Voilà. Après, il y a le jugement du rapport qualité de travail, efficacité dans son travail, c'est sûr. mais je pense que il a découvert qu'il pouvait faire des efforts et sans doute essayer de s'en sortir. Voilà. D'accord. Donc justement, vu qu'on parle des profils, y a-t-il des conditions pour intégrer les Jardins de Galilée où tout le monde peut les intégrer? Là, il faut bénéficier du RSA. D'accord. Obligatoirement, enfin 60%. Hein. D'accord, oui. Et autrement, il n'y a aucune autre condition. Normalement, hein. qui rentrent dans les critères. C'est, ils sont inscrits à Pôle emploi. Pôle emploi, ouais. Donc, bon, Pôle emploi a une sélection, si on peut dire, mais enfin, une collaboration avec nous. Après, nous, notre site, notre association ne sélectionne pas les personnes. C'est-à-dire que oui, on a rentré des personnes qui avaient 59 ans, même 60 ans, que ben, bien d'autres structures ne les prennent plus, parce qu'ils savent très bien que pour faire rentrer, avoir un CDD à une personne de cet âge-là, c'est très très très difficile. Mais nous, on ne sélectionne pas, tout le monde a le droit à sa chance, et la preuve que ça fonctionne, puisque là, on va sortir un de 59 ans vers l'emploi. Donc, si on se bat, c'est notre cause principale, hein, c'est la première, c'est l'accompagnement, le tremplin pour eux, hein, l'immersion en entreprise. Et notre deuxième fonction, c'est le maraîchage. Mais notre but principal, c'est l'accompagnement. D'accord. Là, j'ai une question qui parle du côté financier. Est-ce que ça vous dérange d'en parler ou pas? Non, on peut... D'accord, donc... C'est l'ancien expert comptable qui peut vous le dire, donc ça devrait aller. D'accord, donc... Pour vous dire que tous ces milieux-là d'insertion, sous forme associative, et c'est essentiellement ça sur le marché en France... On trouve le salaire plus charge sociale de nos travailleurs en insertion sont couverts par la directe, par les services de l'État, à 96% à peu près. D'accord. Le reste, le coût est quand même important. Dans notre cas, deux encadrants, c'est vrai, et puis plus une mi-temps en accompagnement socio-professionnel. C'est vrai que là, c'est plus dur à supporter. Ça va peut-être mieux avec en doublement la capacité de culture. Encore faut-il avoir les terrains et la suite. Et donc, et en plus, dans ces coûts-là, personnel d'encadrement, plus tout le coût des matériels, des véhicules, on achète des semences tout de même. Hein, et il n'y a pas d'engrais, évidemment, ou sauf voilà, l'amendement. Mais autrement, on est en bio, comme on l'a dit. Donc tout ce coût-là, il faut le couvrir par, y compris des intérêts sur emprunt, puisque nous avons bien dû emprunter pour acheter des matériels de démarrage. Et tous ces coûts-là, il faut les couvrir par le chiffre d'affaires de production de maraîchage. Vous devez bien vous douter que il faut beaucoup de laitue. Bien sûr. Des laitues, mais c'est quand même l'équilibre économique, les deux premières années, est très difficile à atteindre, il ne faut pas se leurrer. Et encore, on a vraiment une efficacité personnelle qui contribue énormément, mais on n'est pas prêt de faire des miracles en capacité bénéficiaire. Hein. D'accord, donc justement, ce chiffre d'affaires, est-ce que vous avez une petite idée de à combien il s'élève, à peu près? Aujourd'hui, bon, on va arriver sur 2019, c'est peut-être aussi significatif. On aura fait à peu près 50 tonnes, là, pour l'instant, de légumes. Hein. D'accord. Très peu, pas de fruits, hein, que du légume. Donc, c'est pas négligeable. En chiffre d'affaires de production, on va arriver à... On a 80 000, je sais pas si on y arrivera, 80 000 euros, oui. Notre souci aussi important, on est dans du saisonnier. Hein, bien sûr. Alors que nous avons ces personnes, ces travailleurs, on les a en linéaire sur l'année. Encore qu'on sait gérer de l'annualisation de temps de travail. Hein. Mais par exemple, ça n'a l'air de rien, on est dans la culture. Ce sont les deux encadrants qui viennent arroser le samedi et le dimanche. Enfin, je schématise, mais c'est presque ça. Hein. C'est pas neutre. Donc, on est en recherche, on a trouvé l'hiver dernier, nous sommes en recherche de travaux accessibles à cette population, hein, dans du nettoyage de limites de forêt, de berges de rivières. Bon, on en a dans le secteur, hein, les collectivités locales, certaines jouent bien le jeu de nous fournir du travail, c'est important, au moins pour cette période, pendant la période d'hiver. D'accord. Est-ce que cette association, donc les Jardins de Galilée, dépend d'une autre structure? Aucune. D'accord. Par exemple, pour vous donner juridique, le côté juridique et statutaire, cette association, où elle a deux membres, c'est pas compliqué, elle a un membre, c'est la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. D'accord. Qui a un représentant, moi en l'occurrence, et elle a un deuxième membre qui s'appelle les SATEA du Val de Galilée. Là, il y a quatre membres. Donc c'est du tout simple, efficace, voilà. Nous n'avons pas une organisation comme d'autres l'ont fait, associative, d'adhérents, on n'est pas purement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas notre scénario premier. Nous avons pris les terrains d'une structure qui était dans les notions de palier et autres. C'est pas jouable. C'était économiquement pas supportable. On a joué beaucoup plus l'orientation. Aujourd'hui, on a des restaurants dans le secteur de Saint-Dié, hein, produits bio. Vous avez, enfin, je ne vais pas citer le nom de restaurants d'assez haut niveau, hein, sur la crête vosgienne, voire le côté alsacien. Donc, étoilé, où c'est affiché sur table, produits bio, vosgiens. Hein, voilà. D'accord. Est-ce que l'association, donc les Jardins de Galilée, travaille en partenariat avec d'autres structures comme Pôle emploi, la mission locale ou autre? Ah oui, Pôle emploi tout le temps, la mission locale un petit peu. Autrement, on a aussi des partenaires sociaux, Jean Rémessa, qu'on a encore avec nous en collaboration. Des collaborations aussi avec des partenaires financiers, hein, comme l'OREM Active, comme le Conseil départemental des Vosges, qui nous a bien aidé au démarrage, et puis les services de l'État, donc en l'occurrence la Direct. Ouais. D'accord. Donc l'association Les Jardins de Galilée, elle bénéficie d'aides financières? Ah oui, c'est certain. Bon, on n'aura pas pu. Deux types d'aides financières, de l'aide au fonctionnement et de l'aide à l'investissement. D'accord. Par exemple, en 2018, on a investi 140 000. En 2019, à peu près autant. Donc c'est vrai que c'est difficile. Parce que même si on a des partenaires financiers, ils ne financent pas 100%. Donc il faut qu'on se débrouille pour le reste. Bien sûr. Make me wanna be with someone else. Found what I'm looking for. can do. Les contrats proposés par les Jardins de Galilée, est-ce que ce ne sont que des contrats en insertion ? Oui, pour nos travailleurs en insertion, c'est que des contrats en insertion. Ce sont des contrats de 4 mois, renouvelables, qui, au cumul, ne pourront pas aller au-delà de 24 mois. D'accord. Ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, dans notre efficacité, dans notre performance, c'est bien que ces CDD ne perdurent pas. Donc, c'est que du CDD de 4 mois, sous cette forme-là. Après, les deux encadrants et la seule accompagnatrice, c'est autre chose, ce sont des CDI. Hein. Bien sûr, oui. Et donc, maximum 24 mois, comme vous venez de le dire. Oui. Et en heures par semaine, combien à peu près ? Alors, un travailleur, c'est les contrats qui sont typés par la directe, le service de l'État. Hein. Ce sont des contrats de 10 heures par, 26 heures par semaine, voilà. D'accord. Pourquoi 26 heures ? Il faut savoir que ça fait partie de notre organisation aussi. Il faut qu'il leur reste du temps, peut-être le vendredi, peut-être le lundi, pour aller rencontrer les employeurs, pour aller prendre des contacts ici ou là. Hein. Donc ça fait partie de la gestion, en collaborant à la gestion de leur emploi du temps, hein, au-delà de leur présence sur place. D'accord. Donc, vous l'avez également dit tout à l'heure, le but des Jardins de Galilée, c'est aux personnes en insertion de leur trouver un travail. Oui. Mais donc, est-ce que, pour leur nouveau boulot, s'ils en trouvent un, est-ce qu'ils doivent faire des démarches au préalable ? Il peut y avoir une partie de démarches qu'ils doivent faire, mais on les accompagne aussi, il y a les deux. La stratégie, plus on va les aider à être autonomes, hein, parce qu'il faudra bien qu'ils soient autonomes plus tard en ayant retrouvé une vie professionnelle, voire changé d'employeur. Donc, on n'est pas dans l'assistanat complet, hein, c'est de l'accompagnement. D'accord. Et on guette, on surveille les résultats de ces différents entretiens. Mais ça nous arrive à nous directement de téléphoner à des entreprises. Hein. Est-ce que vous pourriez nous accueillir ? On a un travailleur, il a fait ceci dans le passé, il aimerait faire ceci de nouveau ou retrouver ceci ou retrouver cela. Si on a une entreprise sous le coude qui peut être dans le style là, ça peut être du machinisme agricole ou peu importe, ça peut être de tout. Donc on fait la jointure, oui vous pouvez recevoir notre travailleur, mais il va y aller. Hein, et on l'aide dans sa présentation, dans sa démarche. D'accord. Et donc si, au contraire, dans leur nouveau boulot, ils ne font pas l'affaire, entre guillemets, peuvent-ils revenir travailler au Jardin de Galilée ? C'est pas le but recherché, loin de là. On risque d'avoir des schémas, c'est déjà arrivé chez d'autres, hein, où il va repartir à Pôle emploi. Hein. D'accord. J'espère que c'était pas pour s'y complaire. Hein. Bien sûr. Mais, donc après, si on s'aperçoit que pour finir cette personne-là, ça a été une orientation ratée, enfin qui a échoué, où il y a peut-être encore un espoir de virage, peut-être encore, mais c'est pas le but du jeu. Hein. On aime autant faire de l'innovation vers des gens qui n'ont jamais connu cette stratégie d'aide au retour. Hein. D'accord. Donc oui, les Jardins de Galilée, ils accompagnent tous les âges à partir de 18 ans ? Oui. Et donc, est-ce que ça vous arrive, par exemple, de prendre des stagiaires ? Oui, on reçoit des personnes en immersion. De la même façon que nous, on met des gens en immersion. Hein, des autres structures qui viennent en immersion une semaine pour découvrir notre métier, notre activité. D'accord. Et pareil, on fait un bilan qu'on redonne à la structure mère pour les évaluer. C'est pour avoir en fin de compte une autre vision sur l'évaluation de la personne, voir comment nous on évalue et eux l'évaluer autrement. Donc on fait un bilan et c'est positif aussi. Après, on est dans les mêmes démarches. Je pense que c'est bien d'accueillir aussi des gens sur nos structures pour les évaluer. D'accord, d'accord. Si nous voulons des renseignements complémentaires sur les Jardins de Galilée, comment pouvez-vous nous faire ? Alors, ça va être essentiellement le téléphone. Hein. D'accord, vous pouvez peut-être appeler le numéro ? Oui, on a des cartes de visite, on a des flyers, on a de tout ce qu'il faut, c'est sûr, en document. D'accord. 06. En fin de compte, vous pouvez nous joindre au 06. Oui. Oui, je n'ai plus de détails. Voilà. 79. Oui. 32. Oui. 70. D'accord. 26. D'accord. Voilà. Et on est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. D'accord. Est-ce que vous avez une adresse mail, par exemple? Non, pas pour l'instant. Ça va être mis en fonction dans les semaines à venir, là. Mais pour l'instant, on travaille que par téléphone portable. Donc, les gens, bien souvent, nous envoient un SMS pour demander ce qu'on a de disponible. On renvoie la disponibilité. Et de là, ils nous passent une commande en nous validant l'heure et le jour où ils veulent venir retirer leur commande. Et le but de l'opération, c'est qu'on extrait nos légumes vraiment au dernier moment pour avoir du légume frais dans les commandes. D'accord. Et vous avez un site internet ou pas? Encore, on va le mettre en place là, ces jours-ci. On a une D'accord. organisation administrative qui est quand même lourde à mettre en place, hein, et coûteuse, dont en économie d'échelle, nous collaborons avec le service administratif de nos deux structures, hein, dans le milieu de l'handicap et SATEA, ce qui nous aide bien en support administratif. D'accord. C'est le seul pourquoi on n'est pas encore complètement indépendant dans les outils du net. Hein. D'accord, d'accord. Donc nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Je pense pas, on a fait un balayage assez complet. Hein. D'accord. Voilà. Venez nous voir, venez nous rendre visite, Provenchère et Colroy, dans le passé Provenchère sur Fave, il y a du fléchage préalable, voilà. Mais la meilleure solution, c'est le numéro de téléphone que vous venez d'avoir, hein. Et on se trouve avec des gens qui nous appellent. Qu'est-ce que vous avez comme légumes aujourd'hui? Ce ne sera pas les mêmes que dans 4 jours. Demain, on va lui dire, c'est sûr, vous n'avez pas de betteraves, mais le responsable va dire, si on a des betteraves, mais on ne les sort pas, elles sont encore en croissance. Il faut savoir que c'est important aussi. On a une activité quand même qui est assez professionnelle. On arrive à avoir des serres qui sont en 3 cultures. On a 3 rotations de culture. Pas sur toutes, mais sur une bonne partie de serre. On a de la culture en plein champ aussi. On vient de rentrer un hectare de plus de terre, à proximité, toujours avec la certification éco-serre, c'est comme bio, ce qui est quand même important. D'accord. Tous ceux qui viennent nous disent que c'est une organisation à travail sensationnel, des produits de belle qualité. Sur le prix des produits, là, peut-être un élément dont on n'a pas parlé, sur les prix des produits, les encadrants interrogent assez souvent, ça peut être Rungis. Voilà, aujourd'hui, il y avait peut-être le kilo de carottes est peut-être à 2,31 €. C'est peut-être précis, mais on fait attention de ne pas se positionner sur le marché classique. On ne veut pas casser le marché et puis on veut vivre correctement tout de même. D'accord. C'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de En route vers l'insertion. Je remercie une nouvelle fois Patrice Fèvre et Jean-Marc Lecomte d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguemozo.eu, tout attaché sans accent et avec un T à la fin de Mozo, avec le numéro de téléphone notamment. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.